喂， putain, Godzilla, il a pas été enregistré, je suis dégoûté. Non, mais peut-être qu'il enregistre encore là. Déjà, apprends-les les gammes, putain, mec. Apprends les accords et les gammes, au moins. C'est primordial quand même, ça, mec. Mais juste la gamme majeure, oui, la gamme mineure, au pire, juste un passage ou enfin. Normalement, au piano, tu as des bons repères quand même. Tu as les repères tout le long, quoi. Le train est encore plus facile. Thank you. Thank you.

Thank you. C'est l'heure d'aller dormir. On abuse là, putain mec, putain je suis complètement KO. Putain je suis complètement out mec, putain. Je suis complètement déconnecté mec, putain. Putain pareil, je suis complètement KO. Allez viens va dormir mec. Bonne nuit mec. À tout de suite. Garde-la cette fin de morceau là non. Putain. À quelle heure tu te réveilles? Il reste enregistré sur le site de toute façon. Je sais pas, putain, là, je crois que je vais me reposer vraiment, quoi. Faut okay. Pas que. Parce que. Là, à ce moment, putain. Ouais, c'est vrai, j'ai fait le compte deux jours d'affilée. Je m'allume trop, je fais trop tirer. Faut bien, bien se reposer, là. Ça va. Sinon, après, ça reste tout le temps. Voilà, je vais allez. À toutes. Ouais. À toutes, man. Ouais.